l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous dans les studios de RGM. Aujourd'hui je reçois Jérôme, Simon, Elona et Léa. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour Laura, ça va? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Eh bien, moi c'est Jérôme Collère, donc je suis comédien dans la troupe du Rideau des Loges, une troupe de théâtre amateur qui se situe à Éloie. Et je m'occupe aussi de la troupe des jeunes, donc il y a 3 des 8 jeunes qui sont avec moi aujourd'hui. Donc voilà Simon qui va se présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Simon Martin, je suis au collège et je fais du théâtre depuis 3 ans, je crois. Alors moi je m'appelle Elona Etienne, je suis au collège comme Simon et puis je fais du théâtre depuis 1 an. Bonjour, moi c'est Léa, mal tant pis, j'ai commencé le théâtre cette année. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'association, le Rideau EZ, Loge des Lois? Donc oui, le Rideau des Loges, donc c'est une association qui fait partie d'une autre association un petit peu mère au niveau de la commune des Lois qui s'appelle la Jeune Garde. Donc on a un peu une section de la Jeune Garde. Et donc on est une troupe théâtrale qui fait 7 représentations par an entre mi-novembre et mi-décembre tous les ans depuis maintenant 100 ans. La troupe a fêté ses 100 ans en 2019. Donc voilà, c'est pas une troupe toute récente qui vit un petit peu avec l'air du temps, c'est-à-dire que ça se renouvelle avec les années. Il y a beaucoup de comédiens qui arrivent comme ça de ticket de toc, mais il y en a aussi qui sont là de génération en génération. La preuve avec Simon aujourd'hui qui est là, son tonton et son papy sont dans la troupe aussi, ils sont comédiens dans la troupe, donc voilà, c'est quelque chose qui se transmet un petit peu dans les gènes. Voilà, donc la troupe est une troupe qui fait des représentations vaudeville, c'est du comique, hein. Notre but dans l'association, c'est que les gens arrivent au théâtre, posent leur cerveau en arrivant, s'assoient dans les tribunes et puis rigolent un bon coup et repartent et remettent leur cerveau en repartant de la soirée. Et en général, ça se passe comme ça. Ouais, j'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien parce que j'ai vu sur votre page Facebook qu'il fallait réserver des places et des fois c'était complet. Ah oui, on a 7 représentations. Alors souvent, les personnes qui ont loupé les représentations se plaignent et voudraient qu'on joue un peu plus, mais disons que ça prend quand même pas mal de temps, c'est assez chronophage de faire du théâtre, il faut répéter, il faut apprendre ses textes, etc. Donc pour que ce soit au point, il faut avoir quand même du temps dans la semaine pour faire les répétitions, pouvoir se libérer les week-ends parce que tout le monde n'est pas à la retraite par exemple, les gens qui sont actifs doivent prendre des jours de congé. Donc on peut pas contenter tout le monde, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on a un bon succès qui se passe du bouche à oreille en fait. Et c'est depuis des années, hein. En plus, on a la chance d'avoir une salle exceptionnelle à Éloie, le centre socioculturel, où on peut mettre, on va dire, entre 240 personnes dans les gradins. Et si on rajoute des chaises, on peut aller jusqu'à 290 personnes. Donc ça fait quand même un bel auditoire. Et donc oui, on s'éclate sur scène. Donc les gens sont contents. Et c'est vrai que ça rapporte un bon petit succès, quoi. Mm-hmm. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur la présidente de l'association? Ouais, donc la présidente, c'est Dominique Mathieu, qui est dans la troupe depuis X années. Honnêtement, je saurais pas vous dire combien de temps, mais en tout cas, elle est là depuis vraiment plus longtemps que moi. Elle était dans la troupe même avec la troupe des jeunes à l'époque. Donc, c'est une présidente très active qui fait beaucoup pour l'association. Par exemple, là dans les prochains projets, on va faire venir la troupe des Jolis Mômes qui va faire un spectacle en plein air à Éloie au parc de la mairie. Donc ça se passera le 2 septembre. Et donc la troupe, là nous on s'occupera de faire l'accueil de la troupe des Jolis Mômes et puis on fera une restauration un petit peu style guinguette quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez apprécié aussi. Ça fait 2 ans qu'on le fait sur Éloi. Et puis voilà, on fait souvent des réunions pour voir un petit peu ce qui se passe, faire les bilans, etc. Et voilà, c'est une troupe qui vit bien. Mmh. Et combien est-ce qu'il y a de bénévoles dans l'association, bénévoles et comédiens ? Alors, en général, on est 10 de comédiens. Et se greffe aux 10 comédiens, je parle des adultes, hein, là. Donc, il y a à peu près une vingtaine, on va dire entre 20 et 30 bénévoles. Donc, principalement la famille des comédiens. Quand, par exemple, il faut préparer les décors, c'est souvent les comédiens qui s'y collent. On a des gens qui sont dans le BTP, dans la troupe, des gens qui sont un peu bricoleurs, les filles s'occupent de la déco, voilà, on est content puisque on se retrouve tous ensemble pour faire les décors ou alors faire les prises de rendez-vous ou de réservation pour les spectacles. Donc en général, ça se passe très très bien. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association, vous ? Alors à la base, moi je suis arrivé en tant que technicien dans l'association parce que il manquait du monde pour faire la technique, donc s'occuper de tout ce qui est son et lumière. Et il y a une année où ça fait à peu près 12 ans. Et il y a une année où un comédien s'est blessé au dos. Il a dû être hospitalisé et en tant que technicien, je connaissais pas mal les textes et j'ai dû le remplacer au pied levé. Ça m'a plu, ça a plu aussi aux comédiens qui ont voulu que j'intègre la troupe en tant que comédien. Donc depuis, je m'éclate sur scène avec eux. Mmh. Vous étiez un peu comme le souffleur quand on oublie le texte et je sais que ça existait ça il y a un moment. Alors on a une souffleuse qui est là depuis un petit moment, c'est Sandra. Donc, elle fait partie intégrante de la troupe, puisque sans elle, avec le peu de temps de répète qu'on a, je peux vous dire que on aurait du mal à jouer les pièces entières. Donc, la souffleuse est très importante. Elle est là pour gérer non seulement le texte, mais aussi les mouvements qu'on peut faire sur scène. Et de temps en temps, elle est vraiment très importante. Par contre, la troupe junior n'a jamais de souffleuse. Ah. Donc, ils ont des plus petites scènes, plus petites représentations. En général, ils jouent juste avant les adultes. Ils ont une petite partie qui fait entre 20 et 25 minutes, en général. Mais ils arrivent à jouer sans souffleuse, parce qu'ils sont un peu plus studieux, parce qu'ils arrivent à gérer leur stress aussi. Ils sont à l'aise. Donc, mais ça, c'est assez remarquable, puisque... la troupe adulte, je ne sais pas s'ils arriveraient de se passer de la souffleuse. Ah oui ? Mmh. Vous en servez aussi, vous, de temps en temps ? Ouais, ça m'arrive. Hein. Personne n'est parfait. Quand on a un trou, on est bien content de jeter un œil dans le trou de la souffleuse, puisque c'est un petit trou qui fait partie de la scène à Éloi. Donc, c'est super pratique. La souffleuse voit tous les comédiens. Elle peut voir qui est en difficulté, qui ne l'est pas. Des fois, juste un petit clin d'œil peut servir à la souffleuse pour qu'elle enchaîne sur la réplique qu'on doit donner. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Elle travaille dans l'ombre, mais elle vous permet d'être à la lumière, finalement. Tout à fait. C'est le rôle de l'ingrat, mais sans elle, on aurait du mal. Est-ce que l'association a la recherche de bénévoles ? Oui et non. On va dire que on peut accueillir des gens qui souhaiteraient intégrer la troupe, mais en général, on n'a jamais eu besoin de faire appel à des bénévoles puisque là, c'est un petit peu une famille en fait à Éloi. Souvent, avant ou après les représentations, il y a ce qu'on appelle la troisième mi-temps, quoi. Hein, on casse la croûte jusqu'à des points d'heure. Quand on joue d'ailleurs le lendemain d'une représentation, c'est compliqué pour certains des fois. Mais voilà, c'est dans un très très bon état d'esprit. Et c'est un petit peu ce qui fait le ciment de la troupe d'Éloi. C'est-à-dire que c'est une troupe qui s'entend vraiment très très bien et qui est là pour rigoler avant tout. Mm-hmm. C'est vraiment une prise de plaisir, quoi. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut la rejoindre, l'association, que ça soit en tant que comédien ou en tant que bénévole ? Eh ben, on a un site Facebook qui s'appelle Le Rideau des Sloges, tout simplement, où on peut communiquer par Messenger via ce site. Sinon, il faut venir sur place quand on répète. On commence à répéter au mois de septembre en général. Donc ça fait une période assez courte puisqu'on joue mi-novembre. Et puis bon, après ça c'est un choix on va dire collégial de la troupe, puisque on a d'autres activités en dehors du théâtre dans la vie, donc on veut faire du théâtre, mais on veut que ce soit sur une période assez courte. Par contre, c'est très prenant, quoi. Pendant 3 mois, c'est non-stop théâtre. Et vous mangez, vous vivez théâtre, vous respirez théâtre. Ouais, j'irai pas jusque là, mais presque. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Radio Gaga de Queen. On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. We'll be right back. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Jérôme, Elona, Léa et Simon. Alors Léa, Simon et Elona, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre ? Alors moi pour ma part, c'est que mon tonton et mon papy en faisaient déjà. Puis j'aimais bien venir voir les pièces et comme l'a dit Jérôme, venir après les pièces le soir du coup. Et au fur et à mesure, parce que il y avait aussi des jeunes qui en faisaient et que ça m'a donné envie d'en faire, de faire rire le public parce que j'aimais bien faire rire un peu tout le monde et du coup ça m'a donné envie de faire du théâtre. Mmh. Et vous les filles ? Alors moi j'en fais depuis un an du coup et en fait ce qui m'a donné envie c'est déjà que Simon qui est là, enfin c'est mon meilleur ami, on se connaît depuis longtemps. Et que du coup, il faisait que de me dire « Ouais, Lona, tu peux venir avec moi au théâtre et tout ?» Du coup, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et puis, il y avait ma grand-mère aussi qui me disait que je suis un peu une pile électrique et que j'aime bien faire rire les gens et que j'ai pas trop d'humour et il faudrait que j'améliore ça. Mais du coup, je fais du théâtre. Eh bien, moi, j'en fais depuis cette année. Et ça m'a donné envie parce que chaque année... je vais voir les pièces de théâtre du rideau des loges et ça me plaît vraiment beaucoup. Les premières pièces des enfants, ça m'a donné envie d'essayer, de découvrir un peu ce que c'est. Et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le théâtre ? Alors, ce qui me plaît le plus, moi, c'est le fait de faire rire le public, de lui donner du plaisir à rigoler. Et aussi, c'est un moyen de se lâcher un peu, de se dégourdir, je trouve. C'est entrer dans un personnage qu'on n'est pas dans la vie de tous les jours. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance de groupe un peu. Parce que on s'amuse tous bien ensemble et du coup j'aime bien et puis j'aime bien faire rire les gens aussi, que les gens ils viennent nous voir et qu'ils passent un bon moment et du coup nous aussi on passe un bon moment. Puis du coup j'aime bien. D'accord. Ça va être un peu bizarre mais en fait j'aime bien le stress qu'on a sur scène. J'aimerais bien améliorer ça parce que j'ai souvent beaucoup de stress et après je panique et des choses comme ça. Et aussi la famille qu'on a, on va dire, construit ensemble, ça me plaît aussi beaucoup. Mmh. Est-ce que vous envisagez d'en faire un métier plus tard ou pas ? Pas forcément en faire un métier, mais plutôt continuer dans la troupe du Rideau des Loges, parce que ça me plaît. Et un métier, je pense pas quand même, parce que c'est plus une passion qu'un métier que je voudrais faire plus tard. Mmh. Moi, c'est un peu comme Simon. D'accord. Des fois, j'y réfléchis à deux fois à me dire que j'aimerais bien être actrice, être dans le théâtre, etc. Mais il y a des moments où je me dis j'aimerais bien en faire juste ma passion. Mmh. Est-ce que ça t'aide à combattre ta timidité et ton stress, le théâtre, du coup ? Oui, on va dire ça parce que je fais beaucoup de sport où il faut se montrer devant beaucoup de personnes, donc des fois ça m'aide à me dire que c'est qu'un public, qu'il faut pas paniquer juste pour ça. Mmh. Et en dehors des cours de théâtre, est-ce que vous êtes déjà monté sur scène ? Alors, en dehors des cours de théâtre, je pense pas, à part avec l'école, des fois on faisait des petites représentations, mais c'était plus pour des associations, des choses comme ça. Mais en dehors du théâtre, non, je suis jamais montée sur scène. Moi j'ai fait 2 ans de danse avec Viviane à Eloi. Du coup, je faisais des galas des fois, et puis du coup forcément on dansait sur scène, il y avait beaucoup de public. Puis aussi je fais partie de la jeune garde, du coup je défile et il y a beaucoup de public aussi. Un peu comme Elona, j'ai fait 2 ans avec Viviane, j'ai arrêté et j'ai décidé d'aller faire de la danse classique, ça doit faire 5 ans que j'en fais, et du coup c'est pareil, c'est devant un large public, et voilà. C'est quoi la première pièce dans laquelle vous avez joué? Parce que vous avez peut-être joué dans une pièce avec le théâtre de Desloges. Alors oui, la première pièce que j'ai jouée, c'était... Alors c'était pas une pièce, c'était sur une musique où on avait pris les paroles et on en avait reconstitué une petite scène de théâtre. Et moi, je me rappelle que mon premier rôle, c'était d'aller chercher les gens en bus. Et que j'avais eu un bon coup de stress parce que le bus était parti avec le rideau en dessous de la scène. Donc c'était un bon coup de stress que j'avais eu et que fallait improviser un peu et c'était dur, quoi. Ben moi ma première pièce c'était l'année dernière et ça s'appelait le JT du paradis. Et du coup en fait c'était un peu un JT où il y avait des personnalités mortes qu'on faisait un peu revivre. Et du coup j'étais une présentatrice télé et puis je présentais... des informations. Vu que j'ai commencé cette année, j'ai pas encore fait de pièce, mais j'ai hâte de faire ma première. Simon et Elona, du coup, vous avez pas le trac avant de faire un spectacle? Alors si, beaucoup de trac. Avant un spectacle, il y a toujours la peur de qu'on sache plus son texte ou de se tromper. Mais généralement, une fois qu'on est sur scène, ça va et ça pose pas de problème. Le stress s'en va et puis. On peut faire notre présentation tranquille. Ça va. Enfin, j'avais quand même un peu de stress, j'avais un peu peur d'être jugée, mais je sais pas trop pourquoi. Parce qu'au final, je passais juste un bon moment et je sais pas pourquoi les gens voulaient me juger, alors qu'il y avait rien d'avoir peur. Si vous pouviez donner envie à quelqu'un de faire du théâtre, vous lui diriez quoi? Que c'est un moyen de comme je disais tout à l'heure, de se dégourdir un peu et que c'est je sais pas trop comment expliquer mais je lui dirai par mes mots je sais pas trop comment lui dire, je lui dirai viens faire du théâtre, c'est bien, on s'amuse, j'essaierai de lui donner envie de faire du théâtre en tout cas, je pense. Moi je lui dirais qu'on s'amuse bien et que on arrive à lier des amitiés avec des personnes à qui on pensait pas forcément parler et que du coup ça nous fait découvrir des gens qu'on pensait pas connaître. Du coup c'est bien. Moi je dirais qu'on peut créer des liens avec des personnes qu'on au collège parlait pas souvent beaucoup. Ça peut créer beaucoup de liens d'amitié. Voilà. Moi j'avoue que je voulais faire du théâtre mais j'ai une trouille bleue d'aller sur scène, mais on m'a dit mais t'es pas toute seule, il y a des gens avec toi, donc c'est pas un one man show, mais c'est vrai que ça doit être assez impressionnant quand même, surtout la première fois. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois sur scène? Alors la première fois, oui, je m'en rappelle, comme j'avais dit que j'avais pris un bon coup de stress, et la première fois c'est vraiment quand on voit le public la première fois. Alors le public, on ne le voit pas vraiment parce qu'on a la lumière dans les yeux. Et comme on a la lumière dans les yeux, on voit le public, en fait, s'il est dans l'ombre. Et ça fait toujours un froid dans le dos de la première représentation qu'on fait. Moi, en fait, la première représentation que j'ai faite, j'avais un peu le stress d'oublier mon texte. Mais ça s'est bien passé. Et puis, j'avais une feuille quand même devant moi parce que j'avais quand même peur d'oublier mon texte. Et du coup, toi, Léa, quand tu monteras sur scène, est-ce que tu penses que tu auras un petit trac ou pas? Oui, c'est même sûr, parce que à chaque fois que je monte sur scène, je sais vraiment que je vais pas dire je vais me planter, parce qu'il y a des moments où ça se passe bien, mais je sais très bien qu'il va y avoir un bon stress quand même. Et du coup, vous, Jérôme, en tant que comédien, comment ça se passe? Alors, en tant que comédien, le trac, il existe évidemment. Hein. On dit souvent que le trac vient avec le talent. Ceux qui n'ont pas de trac, c'est que ça va pas. Celui qui a pas de trac, c'est qu'il a un problème de texte ou il a un problème d'ego. Non, il faut avoir du trac, c'est très important. Ça donne de l'adrénaline et c'est aussi ce qu'on cherche quand on fait du théâtre. Elle l'a dit tout à l'heure, Léa, c'était très juste. C'est vraiment des sensations uniques de pouvoir jouer devant un public et c'est une sensation qui est très très jouissive puisque on sait que c'est nous les maîtres de la scène et c'est nous qui allons faire rire le public ou le faire pleurer, hein. Il y a des théâtres qui sont pas comiques, hein. Mm-hmm. C'est un peu plus compliqué, hein. Quand on fait du théâtre comique comme chez nous, on peut plus facilement se planter puisque le but du jeu, c'est que les gens rigolent. Donc quand on se plante, et c'est souvent ce que le public du Théâtre des Lois recherche, ils aiment bien rechercher la petite faille de la troupe pour pouvoir rigoler d'eux. C'est sûr que quand on joue du théâtre tragédie ou des trucs comme ça, il faut pas se planter hein, parce que c'est pas le but de rigoler là. Mm-hmm. Mais c'est un plaisir de monter sur scène toujours. Après, je dirais que le trac est différent selon chaque comédien. Hein. Il y en a qui vont avoir la petite envie de pipi comme avant une course. Il y en a d'autres, ils vont plus avoir ils vont avoir l'impression qu'ils ne savent plus rien du tout. Il y en a d'autres qui seront très très relax, il y en a d'autres qui vont devoir boire un café, il y en a d'autres qui vont devoir boire un petit peu de vin pour se donner du courage. C'est vraiment très très très différent. Chez la troupe des enfants, ce qu'on travaille toute l'année, puisque en contrepartie de la troupe adulte, chez les enfants, on travaille quand même toute l'année. C'est les mercredis après-midi. Il y a qu'une heure une séance de une heure, mais on travaille toute l'année pour les représentations de fin d'année. Et ce qu'on essaye de leur inculquer, c'est justement cet esprit familial. Je pense que vous avez compris qu'ils l'avaient bien ancré dans leur tête, ça. Donc, comme ils sont comme une équipe, on va dire de sport collectif, ils savent qu'ils sont pas tout seuls. C'est très très important quand on est comédien de savoir qu'on n'est pas tout seul, puisque même si on sait pas son texte, le copain va pouvoir rattraper et se raccrocher aux branches. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à faire une pirouette pour récupérer le fil de l'histoire. Et je tiens aussi à préciser que l'an dernier, donc la pièce qu'ont joué les enfants, c'est eux et moi qui l'avions écrite. Donc c'est assez participatif, ils ont une imagination débordante et ils s'en sont servis à bon escient l'an dernier. La pièce a été très très très très bien accueillie par le public. C'était assez novateur, il y avait des rires, c'était une pièce qui parlait donc comme elle a expliqué tout à l'heure Elona, c'était un journal télé en direct du paradis qui parlait de gens décédés et c'était sous forme de dérision avec de l'humour noir. On avait aussi un petit peu d'interactivité puisqu'il y avait un écran qui descendait derrière le rideau et on projetait des vidéos, des photos en même temps que le journal était dit, donc c'était assez bien. Là-dessus, voilà, on a des enfants qui sont vraiment force de proposition en termes d'idées. C'est génial de travailler comme ça. Moi, ça fait 3 ou 4 ans que j'écris leurs pièces avant de jouer pour chauffer un petit peu la salle, on va dire. Et ils le font toujours très très bien. Hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de fois où on fait la générale. Donc la générale, c'est une représentation, on va dire, pour de faux, avec un public qui est là pour critiquer. Et à la générale, très très souvent, la troupe des jeunes est beaucoup plus prête que la troupe adulte. Et ça fout la pression à la troupe adulte, hein, puisque ils assurent quand même leur cacahuète, quoi, les gamins. Et donc, voilà, nous, ça nous met la pression dans le bon sens, puisqu'on est obligé de faire aussi bien qu'eux. Et ils nous chauffent la salle très très bien, quoi. Mmh. Enfin, dans le théâtre, ce qui est compliqué, c'est que déjà vous avez un texte, faut l'apprendre, mais en plus faut le jouer. C'est ça qui doit être dur aussi. Ouais. Alors c'est dur, mais c'est super, puisque quand on joue un texte, c'est le texte d'un personnage, et donc c'est pas notre texte à nous. Et donc là, on a libre choix de faire le comportement qu'on veut au personnage qui est joué. On peut d'ailleurs transformer un personnage, hein, un personnage qui était censé être sérieux. On peut lui donner, je sais pas moi, un tic ou un bégaiement, et tout de suite ça devient un tout autre personnage. Et ça, c'est génial de pouvoir incarner une autre personne sur scène. C'est aussi pour ça que les enfants sont contents de venir au théâtre, puisque, comme disait Simon tout à l'heure, on peut se lâcher et dire des choses que notre propre personne ne pourrait pas dire. Donc d'accord. Ça, c'est très important au théâtre. D'accord. Je vois Simon et Elona qui rigolaient quand ils disaient qu'ils pouvaient faire, quand vous disiez qu'ils pouvaient faire un bégaiement, etc. Est-ce que vous avez fait ça, vous? J'ai fait ça, Non, non, non, non, mais toi, t'as... Simon, il a beaucoup improvisé. Il a fait l'an dernier, enfin, non, la scène de cette année, là, dans le JT décédé. Il a fait une petite représentation où il imitait Charlot, donc Charlie Chaplin, avec un escabeau, et c'était donc sans parole. Alors, très compliqué, hein, pour un enfant d'une dizaine d'années, quand même. Et là, il a assuré aussi, il a improvisé des trucs qu'on n'avait même pas répétés pendant les répétitions, mais ça donne quelque chose d'hilarant sur scène, hein, le public est friand de tout ça. Et quand les gamins arrivent à improviser, bah, on a tout gagné, hein. Mm-hmm. Du coup, toi, Ilona, est-ce que tu t'es un peu approprié un personnage ou est-ce que t'as improvisé sur scène? Bah, dans la scène des adultes, il y avait un personnage qui avait des tics et je trouvais ça très drôle. D'accord. Jérôme, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous occuper des enfants? Ben, la transmission. Je suis déjà éducateur de foot au club de Pouxeux. J'adore transmettre pas mes connaissances, puisque je suis pas non plus... Enfin, je me la pète pas, quoi, on va dire. mais je trouve ça super de transmettre cet esprit de groupe, le sentiment de joie quand on est sur scène, l'appartenance à une famille, puisque c'est toutes des familles, hein, c'est vraiment que des collectifs, tout ça. Et puis j'adore le monde associatif. Je suis aussi, je fais partie d'une association sur Pouxeux, la Team Family, qui fait plusieurs événements dans l'année, comme le Family Trail, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, moi, tout ce qui est associatif, je participe. Je suis aussi au ski club à Éloi. Je fais partie du comité du ski club. Donc voilà, moi, la transmission, c'est quelque chose qui m'habite. J'aime bien faire passer ça. Et avec des enfants, c'est encore plus intéressant, puisque on a très souvent immédiatement un retour, quoi. Donc c'est plus facile de transmettre à des enfants qu'à des adultes. Et le bénéfice ou la récompense est toujours plus importante. D'accord. Est-ce que les jeunes comédiens sont tous des débutants? Bah, du coup, bah, Léa, oui. Léa est débutante. Bah, Simon, il est débutant, mais il a quand même, on va dire, génétiquement quelque chose. Le public le voit tout de suite quand il rentre sur scène. Il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il y a déjà des éclats de rire, hein, je vous garantis. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut faire attention à ça, puisque des fois, on en abuse. Donc il y a une gestion aussi. C'est pas le plus facile à gérer dans la troupe, par exemple. Pour moi, en tant que coach, c'est plus facile de gérer un enfant timide qui va écouter tout ce que je lui dis. Un enfant comme Simon va être un peu plus virevoltant, on va dire. Il va falloir le cadrer, quoi. Mais c'est intéressant dans les deux sens, puisqu'on voit beaucoup d'évolution dans le bon et dans le mauvais sens. Et en général, on arrive à un équilibre à la fin. Mais ce qui est gratifiant, c'est que on a des enfants qui sont dans la troupe, par exemple, c'est leurs parents qui les poussent à venir dans la troupe parce qu'ils sont justement timides, hein, c'est des fois maladif, hein, tout ça. Et à la fin, on s'aperçoit que ben sur scène, ça match, donc ça donne un bel élan à l'enfant pour grandir dans la vie, puisque ne serait-ce que à l'oral, par exemple, à l'école. Quand on a fait du théâtre, je peux vous garantir qu'on est beaucoup plus à l'aise devant un prof que quelqu'un qui n'a jamais parlé devant un petit public. Hein. Et d'ailleurs, par rapport au public, donc Simon a raison, hein, quand on est sur scène en représentation, on a une lumière qui est très aveuglante pour pouvoir éclairer comme il faut la scène. Hein, c'est vraiment des néons costauds. Et c'est tellement aveuglant qu'on ne voit pas le public. Par contre, quand on répète toute l'année, on est devant notre propre public, c'est-à-dire les copains ou les comédiens. Et là, c'est le plus dur parce que c'est les plus critiques au monde. Hein. Et donc, quand on a un public comme ça, derrière, on est blindé. Hein. Le public qu'on ne voit même pas, qui est dans l'ombre, c'est du cadeau pour nous. Mmh. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un jeune joue avec des adultes ou pas? Alors, c'est arrivé par le passé dans la troupe des lois. Après, c'est très compliqué de trouver des pièces où il y a des enfants qui matchent avec les adultes. Très compliqué aussi pour les répétitions, puisque nous, on répète les soirs, jusque tard. Donc voilà, il faut que ça matche dans les deux sens. Après, c'est pas fermé puisque avec un autre comédien de la troupe, Dominique, on écrit des pièces là. On écrit une deuxième pièce cette année là pour qu'on va peut-être jouer en fin d'année. Donc quand nous on écrit des pièces, on fait du sur-mesure. Et donc si on veut intégrer des enfants, on pourra le faire quoi. Et dans votre troupe, comme vous occupez des jeunes, vous avez dit que vous écriviez une pièce ensemble. Comment ça s'est mis en place tout ça? Bah en fait, c'est très difficile de trouver des pièces enfants qui correspondent à moins d'une demi-heure de spectacle, on va dire. Et pour parer à tout ça, bah le plus facile, c'est d'écrire, quoi. Mm-hmm. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Après, il faut des idées. Donc, j'ai essayé ça une première année. Donc, c'était l'année où on a joué derrière le Covid. Et j'avais écrit justement une pièce qui... C'était un petit peu une satire du Covid. Et ça avait très bien fonctionné. Enfin, le public avait bien reçu cette pièce. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer. Les enfants sont avec moi. Je vais demander les idées aux enfants. Et puis, moi, je vais broder. Et donc, c'est ce qui va se passer maintenant, je pense, à chaque fois, selon les propositions des enfants. Mais ils ont tellement d'imagination que c'est super facile. Après, moi, il faut que je fasse une coordination de tout ça. Mais... C'est une gymnastique. Quand on l'a, après, ça devient pas facile, mais plus facile en tout cas. Du coup, Simon et Elona, est-ce que vous avez participé à l'écriture de la pièce, vous? Bah oui, on a participé. Moi, pour mon rôle, j'avais eu donc l'idée de faire une surprise à mon papy qu'il avait joué lui, je crois, pour un spectacle de jeune garde ou une chose comme ça. Et donc j'avais eu l'idée de lui faire une surprise, et ça a bien marché parce qu'il était bien étonné, et justement à la générale, il était surpris et puis il était content de moi. Du coup, bah oui, on a participé à l'écriture, on a eu pas mal d'idées aussi, et puis du coup, bah Jérôme, il a essayé de tout bien ranger, et c'est ce qu'il a fait, et c'était très bien. D'accord. Et qui c'est qui met en scène la pièce, c'est vous ? Ouais, c'est moi aussi. En général, les enfants aussi, hein, ils sont force de proposition en termes de mise en scène. C'est pas facile à mettre en scène puisqu'il faut prendre beaucoup de recul et se donner une idée de ce que ça va donner avec un public. Mais c'est un travail, quand on a été comédien et quand on a vu beaucoup de représentations, on commence à comprendre les codes. Parce que le théâtre, c'est beaucoup de codes, hein. Donc il y a des trucs à pas faire, il y a des trucs à privilégier, il y a des mouvements à faire, les voix à placer, tout ça. Donc ça, c'est sur ce quoi on travaille toute l'année avec les enfants, de manière ludique, hein. C'est pas du tout académique. Moi, je suis pas un éducateur qui va dire voilà, côté cours, on a trois chaises, etc. Je laisse libre cours à leur imagination. Ils ont le choix de leurs vêtements, par exemple. Il faut qu'ils soient à l'aise sur scène, sinon ça peut pas marcher. Si on veut qu'une troupe se sente bien, il faut qu'elle se sente un petit peu libre aussi. Donc il faut les coacher avec un cadre, mais il faut pas que le cadre soit trop fermé. Au théâtre, je crois qu'il y a un côté cour et un côté jardin. Est-ce que vous pourriez nous en parler tous les trois ? Parce que moi, je ne sais pas trop comment ça se passe, tout ça. Alors, moi, le côté cour, jardin, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ce que je dirais, c'est que le côté cour est à gauche et le côté jardin à droite. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est ce que je vous disais, en fait. Tout ce qui est vraiment technique, je leur apprends pas parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour jouer des spectacles comiques, en fait. Je pense que ça, ils peuvent peut-être l'apprendre dans le futur à l'école, mais moi, je vois pas tellement l'intérêt de leur apprendre. Je préfère leur apprendre à dire une saucisse sèche, sachant sécher, voilà, correctement, avec une voix haute qui parte bien au fond de la salle. Qui ne tourne pas le dos au public, ce genre de truc. Mais au niveau technique, moi-même d'ailleurs, je suis pas super calé dans tout ça, quoi. D'accord. Et est-ce que vous travaillez avec d'autres clubs de théâtre comme Saint-Nabor, par exemple ? Alors, on est allé voir la troupe de Saint-Nabor jouer cette année. C'est, d'ailleurs, ils se sont recréés depuis peu. C'est possible qu'il y ait des collaborations. On en a déjà parlé. On avait eu déjà pour projet de faire un rassemblement de plusieurs troupes, puisqu'on s'apprécie tous. Hein, tout le monde va voir les autres troupes. C'est assez familial hein, comme rencontre. D'ailleurs, on a fait venir... On a fait venir la troupe des Fous de Seine, la troupe d'Adol, le 1er avril, donc le week-end dernier. C'était pour une association Siléonie, pour une gamine qui a une ciliopathie, donc c'est une maladie orpheline. Donc en fait, là c'était un petit peu une association de bienfaiteurs, j'ai envie de dire, puisque c'était l'association de Pouxeux, la Team Family, qui a fait venir par le biais de la troupe d'Elois, la troupe d'Adol pour jouer à Eloi. Donc c'était un petit peu trois associations qui donnaient tous leurs bénéfices à une autre association. Et donc ça a bien marché. Et, c'est sympa de matcher entre plusieurs associations puisque c'est le but un petit peu du truc, hein, c'est de faire des rencontres et puis en plus que ce soit bénéfique pour d'autres personnes. Donc tout le monde est content. Il y a une troupe qui joue dans une magnifique salle. Il y a un public qui est ravi de regarder les gens jouer. Une autre troupe qui est ravie d'accueillir les copains dans sa salle. Et puis, la petite Léonie qui va être contente de pouvoir vivre un petit peu mieux au quotidien. Donc, ça sert aussi un petit peu à ça. Et c'est vrai que cette famille du théâtre, c'est jamais fermé. On va tout le temps, nous, voir les troupes du coin, quoi. Ça va du Tolly jusque Rambert. Voilà, on est preneur de tout ça. Mmh. Et est-ce qu'il y a des cours proposés aux jeunes pendant les vacances scolaires ou pas? Alors, ça dépend. Je sais que les gamins, ils sont tout le temps d'accord pour travailler, même en dehors de l'école. Cette année, il va être mis en place avec les jolis mômes une sorte de colonie où ils vont venir donc sur Eloi leur faire cours. Alors pas forcément à la troupe d'Eloi, mais ce sera proposé à d'autres, il me semble. C'est pas encore planifié en réalité, mais voilà, c'est un projet. Et donc ce sera un petit peu, on va dire, 5 jours de répétition, et puis après une toute petite tournée de 3-4 jours. Dans les Vosges, donc là ça va être assez intéressant pour les gamins, c'est quelque chose qui est correct sur une semaine comme ça où on répète et puis après on va dire on finalise sur une petite troupe qui est itinérante, c'est génial quoi, c'est un truc dont moi j'aurais rêvé étant jeune. Hein. Mmh. Est-ce qu'on peut prendre des cours de théâtre sans se reproduire sur scène ou faut forcément aller sur scène par la suite? Ah ben non, moi je dirais que les cours de théâtre c'est ouvert à tout le monde sans forcément avoir un public au cours de sa vie. Hein. Le théâtre ça sert surtout à avoir une éloquence, à avoir une confiance en soi, à avoir une bonne diction, un bon souffle. En fait c'est très très complet hein, le théâtre si on y réfléchit bien, à titre personnel je parle. Après, à titre collégial, on va dire, si on prend des cours à plusieurs, c'est sûr que là, c'est plus pour faire un spectacle, mais le théâtre peut être aussi quelque chose de thérapeutique. Hein. Mmh. Bon, on a Enzo qui fait partie de votre troupe, qui est bénévole et qui fait une rubrique le ciné, je crois, ici. Enzo régulière? Voilà, c'est ça. Ouais. Il nous a caché ça, lui. Bah, il a une bonne diction et puis on voit qu'il est à l'aise au micro, alors que c'est pas du tout le même exercice qu'au théâtre, en fait. Bien sûr. Ben Enzo, quand il est arrivé dans la troupe, il avait une diction qui était assez assez faible, on va dire. Et il a corrigé tout ça au fur et à mesure. Il a pris plaisir et confiance en lui au fur et à mesure de jouer. Et maintenant, il s'éclate hein, sur scène. C'est plus du tout le même gamin que ce que j'ai connu quand il est arrivé. Hein. Ouais, il était super à l'aise quand il a fait l'atelier podcast avec nous au mois d'août, en tout cas. Et du coup, ça lui a donné envie de faire des chroniques ici. Ah, tant mieux, c'est super. Alors, les cours pour les jeunes, c'est tous les mercredis, mais est-ce que c'est toutes les semaines, une fois par mois? C'est tout le temps, selon mon planning quand même, puisque je travaille en 5-8 à la papeterie d'Arche, donc quand je suis d'après-midi, je mets un petit message et puis je remets la séance à la semaine d'après, mais sinon, si je suis disponible, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là tout le temps, donc j'en fais profiter les gamins. Ce qui est incroyable avec vous, c'est qu'en plus, vous occupez des jeunes, mais en plus, vous répétez aussi avec les adultes. Donc, ça ne doit pas être facile. Il ne faut pas se mélanger un peu dans les pièces, etc. Ouais, non, bah, ça va. C'est quand même pas du tout le même, la même musique, on va dire. Les répétitions adultes, après, ça, c'est quelque chose de plus personnel en termes de travail, on va dire, quand il faut apprendre les textes. Encore que quand c'est des pièces dont j'ai participé à l'écriture, forcément, j'ai un peu plus facile à apprendre les textes. Et puis, je connais bien la mise en scène, vu que c'est nous qui mettons en scène dans notre tête avec Dominique. Mais non, moi, j'ai pas de souci de... J'arrive à un petit peu à classifier dans ma tête. J'ai des rangements là-dedans, dans mon cerveau, qui fonctionnent pas trop mal. Et Elona, Léa et Simon, est-ce que vous aimeriez écrire votre pièce tout seul et puis la mettre en scène après tous ensemble? Je pense que ça me dérangerait pas, juste faut, je pense, avoir une bonne imagination. Et l'écrire, je pense pas que ce serait un problème, ce serait plutôt de la jouer, voir les déplacements, les objets qu'il faut prendre, parce que le théâtre c'est pas que de la parole, il y a les déplacements, les objets. À trois, je trouve que ce serait plus compliqué de jouer une scène de théâtre qu'à plusieurs. Ben, moi, ça me dérangerait un peu parce que, enfin, j'ai pas envie d'écrire la pièce toute seule parce que c'est quelque chose de collectif et que du coup, bah, il faudrait l'écrire ensemble. Bah, d'écrire, en fait, vous ou que les jeunes ensemble, en fait, toute la pièce sans que Jérôme n'intervienne dans l'écriture. Bah, ça, oui, on pourrait le faire. Et toi, Léa, tu t'en sentirais capable ou pas? Bah, ça pourrait aller, mais jusque-là, écrire vraiment une pièce comme ça, en vrai, je sais pas. Bon, ce serait possible, je pense, à leur niveau. Ils le font déjà, hein, de temps en temps dans les séances de théâtre, puisqu'on fait souvent de l'impro. Donc, je leur demande des exercices, par exemple, de me faire une pub par rapport à un objet. Et ils arrivent à deux ou trois à faire un petit dialogue, élaborer un scénario avec des accessoires qu'ils trouvent un petit peu de ticket de toc. Donc, ils le font. Après, le problème, c'est qu'il faut tenir 20 minutes, 25 minutes. Il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'il y ait une ligne directrice. Donc tout ça s'apprend, mais avec un peu d'expérience, il serait capable, puisque du moment où on a l'imagination, quand on commence à écrire une pièce, ça continue très très vite en fait dans sa tête. Après, le truc, c'est qu'il faut rester dans quelque chose qui part pas dans tout azimut, parce que il faut garder le public connecté à soi, quoi. Et Simon, Elona et Léa, c'est quel genre de personnage que vous aimez jouer, vous? Alors moi, j'aime bien jouer les personnages vraiment très comiques, comme du coup Charlie Chaplin que j'ai joué la dernière représentation. Et je préfère jouer des rôles sans parole ou que avec parole, parce que c'est pas une question de que j'arrive pas trop à apprendre, mais vraiment pour faire rire le public, je préfère rire faire le public que de jouer juste pour parler. Ben moi j'aime bien jouer des personnages, par exemple, qui sautent partout, qui sont pleins d'énergie, qui parlent beaucoup, qui parlent fort aussi, parce que ça me correspond un peu. Du coup, bah j'aime bien un peu jouer les personnages. Et puis surtout, j'aime bien me mettre dans la peau des autres gens. Bah je vais pas dire un peu comme Elona, mais j'aimerais bien jouer surtout les personnages bien dynamiques. Donc ça bougera un peu dans tous les sens. Est-ce que les cours sont payants? Non. Non, non, c'est la troupe adulte qui finance un petit peu toute la troupe junior. On est là dans un esprit tranquille entre nous. Voilà, vient qui veut en général. Après, je peux pas accueillir non plus 60 gamins, ce serait trop. Mais dans un cercle restreint comme ça, c'est super agréable à travailler ensemble. Donc c'est pas payant. Et voilà quoi, du coup les parents ils nous les amènent tranquilles. D'ailleurs ils viennent tous du coin, ils sont des lois en général.

time I've got left. Yeah, the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. Saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the obsession. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Simon, Léa, Elona et Jérôme. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Simon, Elona et Léa, c'est quoi vos futurs projets avec le Théâtre des Lois ? Eh ben, les futurs projets, je pense, c'est de déjà inventer ou peut-être qu'elle est déjà prête, je sais pas. La prochaine pièce qu'on va jouer et que continuer avec les rideaux des loges pendant un bon petit moment, je pense. Moi pareil, je pense. Enfin, pour projet, continuer à faire du théâtre et puis pas arrêter si ça me plaît. Et toi, Léa ? Eh bien, continuer et essayer de m'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Pourquoi avoir choisi les musiques-là ? Donc, les choix musicaux, c'est moi uniquement qui les ai faits, puisque c'était un petit peu précipité. Donc, Queen, c'est un groupe que j'écoute depuis tout petit. Hein. Mon papa adorait ça aussi. Toute la famille adore Queen. C'est de génération en génération, même les enfants sont baignés là-dedans. Ensuite, Ben Mazué, c'est un artiste que j'aime beaucoup, francophone, qui fait de la bonne musique avec des textes qui sont cohérents, qui me représentent bien. Cette chanson, en plus, quand je marche, elle me parle beaucoup, puisque moi, je marche énormément. J'ai un chien où je marche beaucoup avec. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis, Maneskin, c'est un groupe nouveau pop italien, il me semble, qui fait de la très bonne musique aussi, j'adore, c'est un bon petit son groove. Voilà, mais on est très hétéroclite au théâtre, on écoute de tout, Quand on a fini les représentations, souvent on met de la musique après et ça danse sur scène. Les enfants ils s'éclatent, les adultes aussi. On écoute aussi bien des années 80, 70, 90. On danse tout le temps, on est tout le temps dans un esprit festif. Donc voilà, c'était plus pour mettre quelque chose de qui correspond à ce qu'on aime quoi. Et Silona, Elona, Léa, vous écoutez quoi vous en dehors du théâtre? Ben moi j'écoute beaucoup de la pop parce que j'aime bien. Bah j'écoute beaucoup de l'homme pâle et aussi beaucoup de musique anglaise. Et moi c'est plus des chansons anglaises et peu de rap surtout et de la musique sans paroles aussi. Et c'est quoi l'actualité du théâtre des Lois pour les jeunes, Jérôme? Donc bah pour les jeunes, l'actualité en ce moment c'est les répètes. On est en apprentissage, on va dire, puisque j'ai 4 nouveaux cette année. Donc j'en ai, on va dire qu'il y a un petit relais de génération qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'il y a 5 ou 6 enfants qui ont quitté la troupe parce que ils sont dans les études supérieures. Donc le relais est pris par les jeunes. Donc on a recruté un petit peu cette année. Donc j'ai 4 nouveaux enfants. Donc l'actualité en fait, bah c'est ce que je disais, c'est les répétitions. Et puis en été, donc il me semble que ce sera sur la dernière semaine de juillet le projet des Jolis Mômes qui va être intégré par certains de la troupe. Ensuite, bah ce sera l'écriture de la pièce en collégial avec le groupe de la troupe junior. Est-ce qu'on peut retrouver l'association sur Internet et les réseaux sociaux? Ouais, on a un site sur Facebook qui s'appelle le Rideau des Sloges, où on poste souvent des photos, les actualités, on poste aussi les représentations théâtrales de nos voisins comédiens, des troupes qui sont tout près de chez nous. Et puis, quand on fait des représentations, on poste des photos, des vidéos, on dit s'il reste de la place ou pas, ce genre de choses. Et on est ouvert à toute discussion sur notre Messenger lié à cette page Facebook. Cette émission est maintenant terminée. Simon, Léa, Elona et Jérôme, merci d'avoir été avec nous. Merci Laura. Merci. Merci. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Oui, j'espère. Ouais, c'était trop cool, moi, je trouve. C'était une bonne expérience. J'ai bien aimé, hein. C'était un plaisir la première fois. Je suis ravie que ça vous ait plu. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien, c'était Laura. Bye tout le monde!